artiste émergent. 89. Directement du studio 1 de la Radio Campus de Trois-Rivières, c'est les Palmarès, c'est fou! Bonjour et bienvenue au Palmarès, c'est fou pour la semaine du 13 au 19 octobre 2014. Je m'appelle Mathieu Plante, Jean-Philippe Charbonneau a congé cette semaine encore. On va savoir si la fin de l'émission dans 3 heures environ, si notre numéro 1 francophone est toujours Fanny Bloom avec Sammy Sammy et en anglophone Orange O'Clock avec Belly Button. Ça, c'est dans 3 heures. Avant ça, on a aussi un instant classique avec les meilleurs moments d'assemblage requis. On a Palmer Rest in Peace pour dire au revoir aux pièces qu'ils ont quittées. On a C'était fou pour reculer dans le passé. On a Ailleurs dans les palmarès. Mais on va débuter avec les nouvelles entrées de cette semaine. On a seulement deux, une de chaque côté. Donc en 20e place anglophone, plus tard, il y aura Secret Sun et Cold Coast. Mais avant ça, en franco, voici le nouvel extrait de Propofol, c'est La Rivière. Au 89 FM, c'est les Palmarès, c'est fou! It's nothing at all. It's nothing at all. Pour le nouveau format des Palmarès, c'est fou. On fait seulement les nouvelles entrées. Au revoir, à la semaine prochaine. Non, c'est pas, c'est des blagues. C'est une blague que je viens de faire, c'est clair. Alors, on va entendre les nouvelles entrées du côté anglophone. C'était Secret Sun avec Cold Coast, oui. Et en franco, c'était Propofol et l'extrait La Rivière sur leur album Le Banquet. C'est tout pour les nouvelles entrées. Et si l'émission se terminait après les nouvelles entrées, on aurait vraiment fait très, très court aujourd'hui. Mais ce n'est pas le cas. Étant donné qu'on a accueilli deux nouvelles pièces, on va devoir dire au revoir à deux autres. Voici Palmer Rest in Peace. Just mountains of change. Voici les pièces qui nous ont quittés depuis les précédents palmarès. Time. Oh, you better tell him, baby, gas on up his car. You better tell him, oh, he better drive far. He better drive to the ocean. He better run, run, run. Before I get my 44 caliber gun. Before I get my 44 caliber gun. C'était des extraits des pièces qui ont quitté les palmarès C'est fou depuis l'édition du 6 au 12 octobre 2014. On a commencé avec Les Passagers et Acheter ta peau qui a duré 8 semaines. Et on a terminé avec The Devin Cuddy Band et 44 qui a duré 6 semaines. C'est quand même respectable. C'est pas 44 hein, for the 4 weeks, you know. It's not what I mean. Mais c'est tout pour un palmarès C'est puis c'était court. C'est, tout est court aujourd'hui. C'est tac, tac, tac, tac. Parce qu'on avait seulement deux nouvelles entrées. Ça veut dire que ce qu'on a en ce moment est très bon et ça va durer plus longtemps que si on avait eu plein d'autres nouvelles entrées qui nous auraient enlevé des pièces. T'sais. Faut voir ça du le bon côté des choses. Par contre, je dois vous donner une mauvaise nouvelle. On saute par-dessus une trolley d'affaires. On saute par-dessus les 19e places. En francophone, on a entendu Pandaléon et Basse-Cour qui descend de la 14e. Et on saute aussi Mozart Sister avec Enjoy qui descend de 13 places. On saute aussi par-dessus 4 pièces francophones de suite. En 18e, Chose sauvage avec l'épave trouée 9 semaines. En 17e, Calerie Cudon et Que Dieu bénisse les marathoniennes qui l'a depuis 6 semaines. En 16e, Bonne fête des erreurs qui l'a depuis seulement 3 semaines. Et en 15e, C'est ta bouche que vous tue par Brigitte qui l'a depuis 4 semaines. Parce qu'on va entendre toutes les pièces de ce même bloc du côté anglophone. Elles sont neuves de la semaine passée. On doit les entendre encore un petit peu pour se les mettre vraiment dans la tête. On va avoir plus tard Tops, Panama Wedding et Coves, mais on débute en 18e place anglophone. Voici Gosling et Harvest of Gold au palmarès. C'est fou. Harvest of Gold. 13. Good. so long. Ready for the dance. Is that the way that you wanna be loved? Is that the way that you wanna be loved? Is that the way that you wanna be loved? Is that the way that you wanna be loved? C'était top, c'est Way to be Loved dans poste numéro 15 anglophone. Ça monte de 5 places. Avant, en 16e, c'était Feels Like Summer de Panama Wedding. Je pense ma préférée du groupe. Pas du groupe Panama Wedding, mais du groupe de 4 pièces qu'on a entendu, il faut être clair. Coves avant ça avec Beatings, stable en 17e et stable en 18e. Au début du bloc, c'était Gosling et Harvest of Gold. Donc, 4 pièces qui étaient nouvelles la semaine passée et qui, là, le sont juste un petit peu moins. À peine, t'sais. Du côté des 14e places, on va revenir stable des deux côtés, donc on va vraiment jouer les deux pièces. On n'aura pas à sauter le francophone ce coup-ci. Tout à l'heure, en anglo, ce sera Broncho avec Class Historian qui descend pardon, de 6 places, 3e semaine de présence. Mais débutons avec un petit peu de country style, you know. C'est Canaille avec Texao, ça! 89 FM, c'est pas mal, c'est fou! Baluchon, au chaud de Hunky Bay. J'buvais ma bière sa rue Maçon juste avant de décoller. Je me suis rendu dans les brumes pour aller chercher le barbu qui venait jouer. Je l'ai retrouvé, les yeux vitreux avec un sourire tatoué. J'ai salué mon dame, je m'en viens te chercher, c'est presque l'heure qu'on parte. Pointe par le bras, il me dit, toi je suis moi, on va fumer un bat. Aller fumer en me disant pauvre dame,

Show et Class Historian en position numéro 14 anglophone. Ça descend de la 8e et avant ça, on a entendu Canaille et Texas qui, elles, montent de la 19e. C'était nouveau la semaine passée. Plutôt dans l'émission, en tout début, en fait, vous avez peut-être apprécié la nouvelle chanson de Propofol, leur nouvelle entrée qui s'appelle La Rivière. Ça tombe bien pour vous parce qu'ils ont une autre chanson dans le palmarès qu'on s'en va entendre à l'instant en position numéro 13. Ce sera Commando qui descend de 10 places. Suivra The New Pornographers et leur extrait Brill Bruisers qui, lui, descend de 2 places. Mais avant ça, donc Propofol, deuxième extrait, ils sont chanceux, là. Deux fois dans le même palmarès, c'est rare qu'on voit ça. C'est des palmarès, c'est fou. We'll be right back. depression of a young sorrow. It's tied in, firing love of sirens. We're going fighting to crying. The rising star dying from its own virus. It's tied in, firing love. The New Pornographers et Brill Bruisers descendent de deux places en 13e position anglophone. Avant, c'était Propofol et leur deuxième extrait qui est présentement sur le palmarès, c'est Commando qui a descendu de 10 places. C'est toujours sur leur album Le Banquet. Il nous reste juste assez de place pour entendre, je pense, les 12e positions. J'en sais pas mal. Du côté anglophone, ça monte de une, c'est Government Trash par Dead From Above 1979. Mais avant ça, du côté francophone, ça descend de 4. Voici Bernary et Sagar au palmarès. C'est fou! We'll be right back. C'était les positions 11 et 12 de chaque côté. On va entendre en 11e anglophone PS I Love You avec In My Mind At Least. Avant, on a sauté Eugène Le Cheval avec Invincible en francophone. Avançant en 12e anglo, Dead From Above 1979 et Government Trash. On a débuté avec Bernary et Sagar qui descend de 4 en 12e franco. C'est la fin de la portion New Shit des Palmeurs Assez Fous. La deuxième heure s'en vient avec le top 10. Alors restez avec nous, s'il vous plaît. Bonjour, c'est la deuxième heure des Palmeurs Assez Fous pour la semaine du 13 au 19 octobre 2014. C'est la portion top 10 et je m'appelle Mathieu Plante. Jean-Philippe Charbonneau a congé aujourd'hui. Donc, portion top 10 de l'émission qui va débuter bien sûr avec nos 10e positions, c'est vrai. Mais après le deuxième bloc, comme on le fait toujours, c'est-à-dire vers la moitié de l'émission, un petit peu avant, on va faire un instant classique, c'est-à-dire les meilleurs moments d'assemblage requis, c'est-à-dire l'émission matinale de C'est Fou, c'est-à-dire la radio Corpus de Trois-Rivières, c'est-à-dire qu'on est rendu au 10e place. Bon. Donc, du coup, on le fait à la 10e, c'est Return for Refund. Je m'amuse avec pas grand-chose quand je suis seul. The Field, dit le nom de la pièce, ça monte de 4 places. Mais avant ça, en franco, ça monte de 10. Ça fait la moitié du palmarès. C'est nouveau la semaine passée. C'est Mordicus. Voici Miroir, Miroir. Au 89 FM, c'est fou. Yeah. my doubts were always high. Always scared to live my dream. Way. You gotta find the faith so your road can be paved. Had enough of asking why. When the field fell down, I focused on the prize. When the football band I pushed on. Show your friends that you know how to run. This day has changed your life. Turn for Refund et The Fields pour son numéro 10, c'est sa monte de 4 places en anglophone. Et avant, en franco, c'était Mordicus et Miroir Miroir qui monte de 10 places. Et c'était nouveau la semaine passée. Dans quelques instants, après le prochain bloc, c'est un instant classique qui s'en vient. C'est dans genre 5-6 minutes environ. Mais avant ça, les 9e places. Du côté anglo, c'est The Bar Brothers avec Half Crazy qui monte de la 16e. Donc, c'est un petit calcul de 7 semaines vers le haut. C'est nouveau la semaine passée. Avant ça, par contre, c'est Arlon. A-R-L-O-N. Arlon. 4e semaine pour cette pièce de Salomé Leclerc qu'on écoute à l'instant dans les palmarès, c'est fou. Tu cours, je cours aussi, comme si des loups pointaient nos vies. Tu tombes, je tombe aussi, comme si des pierres. Tapis, guettez nos corps affaiblis. The Bar Brothers et Half Crazy en 9e place anglophone. C'était nouveau la semaine passée, avant l'entendu, Salomé Leclerc et Arlon qui descendent de la 4e. Tantôt Caravan et Valerie Gore, mais avant ça, c'est le moment d'aller entendre les meilleurs moments d'assemblage requis. Voici un instant classique. Voici les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 6 octobre 2014 avec une semaine de délai comme toujours. Passe une belle fin de semaine. Ouais. OK. Pis toi? Ouais. Cool. OK. Bon, donc... ça t'arrive-tu toi des fois, mettons, de faire ton lavage la fin de semaine, tu sais? Pis là, tu laves tous tes pantalons, tu sais. Pis tu te ramasses tout nu. Ouais, c'est ça. Fait que là, il fait froid pis je suis en short, mettons. Ça t'arrive-tu, ça? Ben, je sais pas. Je suis tout le temps en pyjama... Dans le jour chez nous. Puis quand tu viens animer ici, tu viens aussi en pyjama. Tout est parfait. Ben non, mais mon lavage est fait, là, lundi matin. Ah, OK. Non, moi, j'ai fait ça hier. Quand t'étais en short, là? Là, je suis en short en ce moment. T'étais en short? T'as pas vu en dessous de la table? Ben, je regarde pas en dessous de la table. Pour vrai, t'es en short? Je suis en short en ce moment. Il fait comme 8 degrés, je crois. T'as pas de sécheuse, man? Je m'en suis rendu compte un matin. Fait que c'est ça. Mais aujourd'hui, il va faire comme 13, 14, 15, ah ouais. 16. 13, 14, 15, 16, c'est vrai, ça? Ouais, c'est très chaud. C'est la météo, ouais, c'est fou. Il va faire 13, 14, 15, 16. La bon, bon, météo! C'est ça, on n'a pas de météorologue. Fait que, regardez dehors. C'est pas notre problème, bon. C'est l'émission matinale en pièces détachées. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Oh, à maison. Et maintenant, comment? As-tu hésité sur ton nom? Non. OK. Non, j'étais plus pour le souligner. Faut que tu fasses une petite pause, parce que sinon, ça passe dans le beurre. Faut que tu le soulignes. Mais oui, mais c'est bon quand ça passe dans le beurre. Ah, miam, oui. Tout est bon passé dans le beurre. Sarah Toussaint-Léveillé, qui est en fait la fille de François Léveillé. Ah, c'est l'humoriste, ça? L'humoriste, okay. Oui, c'est que pas, ma maman aime bien. C'est pas le fils, là, c'est pas la fille de choses, là, Robbie Toussaint-Léveillé. Robbie Toussaint-Léveillé, c'est le célèbre... C'est une joke de sirop. J'ai tellement pas... Une joke de sirop, hein, le référent. Robbie Toussaint, non? Robbie Toussaint. Robbie Toussaint-Léveillé. Le sirop. Ouais. Ouais, mais ça... T'es aussi lente qu'elle! Vous faites seulement me répéter! Robbie Toussaint, le sirop. Le sirop, Robbie Toussaint! Le sirop! En tout cas, correct, si tu connais pas le sirop, Robbie Toussaint, c'est parce que t'as pas été assez malade, fait que laisse-moi t'arranger ça en te crachant en face. Waouh, c'est agressif! Ouais, pas pire, hein, pas pire! Je vais te dire en Toussaint en face, mais ça aurait été trop facile comme jeu de mots avec Toussaint éveillé. Tout ça pour dire que c'est la fille. Pour dire! Toussaint pour dire! C'est Sarah Allbreast Woke Up! Ah, c'est un agent qui réfléchissait à cette blague-là, tout à fait. All breasts, woke up, Toussaint. Arrêtez de penser, finalement. Ouais, finalement. Ah, la pluie, la bouette, je te dirais. Il mouille de la bouette. Il me pleut de la bouette, nouveau film de Disney, je pense, l'année prochaine. Je peux pas tout faire tout seul, là. Fait que j'oubliais vraiment de prendre les photos parce que t'es dedans, là, pis tu cuisines, là, pis oh, les photos. Ah, oh, Maman Paradillon, ça aurait été parfait comme nom de chronique. Ah. Maman Paradillon. Non, non, non. Je refuse. Oh, c'est Master Steph. Je comprends pas les gens qui disent que c'est difficile à faire du sucre à crème parce que j'ai fait du sucre à crème, je le savais même pas, là. J'ai fait du sucre à crème sans savoir. Ça va être c'est autour de la canapé. On s'entendra jamais de cette gueule. Non! Dans Austin Powers, ils se servent de la soie dentaire comme fil pour sortir d'un... Ah oui! Pour traverser une espèce de je pense que c'est de l'eau avec des requins supersoniques. C'était l'intrigue d'une saison complète de 6 pieds dentaires. Non, c'était 6 pieds sous terre. C'est une gag de 6 pieds dentaires. Wow! Pas besoin d'acheter de baba pour seulement une recette. Super cool. Moi, je trouve qu'il devrait partir un réseau social pour les gens qui aiment la cuisine puis appellerait ça baba. Ça serait inspiré de Twitter. Tu comprends-tu le principe? Ah, moi, babeur, ça me fait plus penser. Tu sais, l'éléphant à babeur? Comment? Babeur, l'éléphant. L'éléphant, excuse-moi, ouais, t'as peut-être raison, ouais. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Et on est en direct des studios de C'est Fou à Trois-Rivières. Ouais, comme d'habitude. Enfin, nous voilà dans un studio. Avant, tu faisais dans une petite cabane en bois. Oui, une tonne de cas, je pense. C'est ça. Parce que, à l'odeur! Tu bats ton plat avec ta cuillère. Est-ce que tu faisais la chanson thème? Je sais pas. Tu touches à la chanson thème? Ouais. On dirait que je m'en souviens plus. J'ai un blanc, je suis stressée, je sais plus quoi faire. C'est parfait, ça. Parfait. Hein? Hopé? Parfait. Maintenant avec ma bouche. Sylvain a tiré de l'album Ocean View. En tout cas, j'imagine que David, ça fait comme 3 semaines qu'il se demande s'il va jouer la toune, Mathieu. Ça fait 10 jours. Aujourd'hui. C'est un jeu de mots. Sylvain a joué. Ah, Sylvain! Oh, oh, oh! Eh oh, eh oh, eh oh, oh, oh! C'est parfait. C'est pas bon. Ouais. Et vraiment très bon. Moi, je l'apprécie beaucoup. OK, merci. Vraiment. On a reçu l'autre... C'est un passé dans le beurre, là, ben, en tout cas. C'est, mais c'est bon. Tout ce qui est passé dans le beurre est bon. C'est fou. 89.1. Un peu de parmesan sur votre spaghetti, madame? Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. J'apprendrai ce moment, en fait. Toujours assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées avec Stephanie Paradis. C'est du Paradis, excuse-moi. C'est pas ligné Paradis, voilà. Hey, t'as donc bien beaucoup trop de plaisir avec mon nom de famille. Un extrait de Mordicus. Juste un extrait? Juste un extrait. On peut écouter la pièce au complet? Non, on va commencer par l'extrait, puis si on aime ça, on va continuer. Okay? Je pense qu'on va continuer. À date, c'est bon, je trouve la batterie. Ouais, ouais. Okay. Ah, tu vois, la guitare vient d'embarquer, tu sais. Comme pas pire. Là, c'est batterie plus guitare. Il chante, là. T'as tu gâches ma tourne, arrête ça. Il chantait. Ah. Mais c'est Justine Renaud! Justine Renaud. Mais que de flatterie ce matin, vous êtes donc gentil. Justine Renaud. Renaud. Justine Renaud. Justine Renaud, bonjour. Bon matin. Bienvenue dans le studio où on. C'est trop. Où c'est on chante trop. Sur tes intros. Ils se sont levés les deux pieds du même bord du lit. Ouais. Ouais. Ben, hein? Ça serait difficile de se lever les deux pieds pas du même bord. Puis on n'est pas dans le même lit, pour ceux qui veulent savoir. Fait que tu sais. Ceux qui veulent savoir. Ceux qui veulent savoir, sont dans le même lit. Ils sont pas dans le même lit. Il y a des curieuses dans la vie. Hein, mais là, avec la vraie Justine, parce que tantôt, elle était pas là. Hein, c'est quoi qui était là tantôt? Elle est arrivée à 8h. Elle m'a dit tantôt, elle est arrivée à 8h33. Non, ça se peut pas de faire la craque depuis 10 minutes. Fait que, on s'est dit que ça devait être un hologramme ou un Justine Renaud-hologramme. Renaud-hologramme. Ah! Es-tu vraiment meilleur, moi? Mais c'est vraiment bon, okay, Renaud-hologramme. Good. Je suis rendu que je dois scripter mes scripts, mes jokes pareil comme Gilles la tulipe. Pareil. Non! Donc, t'as pas le droit, faut que t'attendes au moins 6 mois, je pense. C'est pas 3 secondes quand la bouffe tombe à terre. Mais oui, mais. Ah! Est-ce que tu veux manger Gilles la tulipe, quoi? Mais la règle, 3 secondes. Fou de découverte. C'est fou, 89.1. Bon, on s'est toujours à Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées, ou l'émission où on est fou de couverte, parce qu'on veut rester couché. Fou de découverte, mais je l'ai transformé, c'est comme un genre de, tu sais, je me suis approprié le slogan fou de découverte. C'est fou de couverte. Eh ben. Non. Ah, c'était rempli de perles, ces instants classiques pour la semaine du 6 octobre 2014. Évidemment, il y avait plein de blagues aussi que vous avez peut-être pas compris, étant donné les références à des noms de personnes. Il faut écouter Assemblage requis pour être au courant que Stéphanie Paradis est ma co-animatrice, que Justine Renaud est une chroniqueuse. Mais bon, je vais pas vous prendre pour des caves non plus, hein, je les laisse dedans. Puis si vous comprenez pas, ben quand même, il y en a un autre dans 3 secondes, un extrait. Fait que, soyez patients quand vous comprenez pas les gags. Donc, écoutez Assemblage requis du lundi au jeudi entre 6h30 et 9h30, toujours en direct à partir de 7h30, ici même sur les ondes de C'est Fou. Assemblagerequis.com pour les balados diffusion des 4 émissions de la semaine du 6 octobre, ainsi que les montages, un instant classique, tout ça sur le site assemblagerequis.com. Et comme je l'ai dit tout le temps à chaque semaine, ben, on est avec une semaine de délai, parce que la semaine en cours, lors de l'émission du mercredi des Palmarès C'est Fou, n'a pas encore eu lieu. Donc on fait ça la semaine suivant la diffusion d'Assemblage requis, bien sûr. On revient à nos Palmarès C'est Fou. On était rendu au position numéro 8 du côté anglophone. On retrouve Valerie Gore et son extrait Amsterdam qui descend d'une place, mais avant ça, en franco, ça monte de la 15e. Voici Chien Noir de Caravane sur C'est Fou, 89.1. Joue avec le feu. J'aime ça quand c'est dangereux. Quand

Valerie Gore et la pièce Amsterdam en 8e position anglophone. Et en franco, c'était Caravane avec Chien Noir. Avant de passer à Rouge Pompier et Rich Aquin en 7e place, on recule un petit peu dans le passé. Voici... Non, c'est pas vrai, excuse-moi. J'étais en train de te préparer ça, moi, c'était fou, c'est l'autre bloc après. Eh boy, suis un peu. On y va avec donc les prochaines positions, c'est les 7e, Rich Aquin, avec I Want to Believe qui monte de la 15e. Tout de suite, voici Rouge Pompier. Et juste après... C'était fou, ok, parce qu'il était pas prêt à l'eau. Oups! Je fais juste récupérer ce qu'on a perdu à Montréal. On garde un ratio de 12 gars pour une coiffeuse nette de Laval. Les bords remplis d'horloges qui sonnent, qui se trouvent bien hot avec des mèches. Laisse faire pour chercher le pilon, cueille à moins que tu te cherches une patente sèche. Plein de poules, plein de poules. J'suis comme un ver de terre dans un nid de poule. J'suis comme un ver de terre. We'll be right back. Want to Believe par Rich Aquin, position numéro 7 anglophone. Avant l'entendu Rouge Pompier, Vert de Terre, qui elle montait de la 11e place. Avant de continuer, et là c'est vrai, tantôt c'était faux, là c'est vrai. On retourne en arrière, voici C'était fou. Cette fois-ci, on recule à la semaine du 12 au 18 juillet 2002. Areas in the Wellington. C'était le Black, c'était fou pour la semaine du 12 au 18 juillet 2002. On a commencé avec les Marmottes aplaties et Fusil sur l'album Décadent. Ensuite, ça c'est le numéro 1 francophone en passant. En première place anglophone, c'était System of a Down avec Aerials sur l'album Toxicity. Et on vient de terminer avec l'énorme classique de The Hives, Hate to Say I Told You So sur l'album Vinny Vinny Vicious. Voilà. Ailleurs, dans cette même semaine du 12 juillet 2002, il y avait aussi Grimmskunk, qui avait le groupe local 1, les Cowboys Fringants, Noir Désir. Du côté anglophone, il y avait Korn, Coldplay, Rush, 3 Seconds to Mars et un paquet d'autres affaires. Donc, allez retrouver la liste complète sur assemblagerequis.com. C'était fou hein? Pour la semaine du 12 au 18 juillet 2002. On fait ça chaque semaine dans les Palmarès. Ah, il nous reste juste assez de temps pour entendre au moins, je regarde ça, je pense, une des deux pièces du côté des, des sixièmes positions. Donc, on va sauter par-dessus le francophone d'Ali Placard avec aussi qui est stable en sixième franco, mais on va entendre du côté anglophone tout de suite l'ancien numéro 1. C'est Orange O'Clock, Belly Button, tout de suite au Palmarès. C'est fou. Every day, she's drowning her stuff on the streets for money. Rope is tightening up and it's harder to breathe. Reckless, blind and juggling. She's young but begs to be older. She's living high and drunk, rock and roll. Tequila, painkillers and packs of Marlboros. Done it all. She ain't got tears to cry. She's exhausted and weak. Clock et Belly Button, l'ancien numéro 1 anglophone maintenant en 6e place. En franco, on a sauté Danny Placard et aussi qui était stable sur l'album Santa Maria. Ça va nous amener directement à la fin de cette deuxième heure des Palmarès C'est Fou, la portion top 10. On va se retrouver dans quelques minutes pour la portion top 5 et la troisième heure. On va savoir d'ici la fin si le numéro 1 franco est toujours Fanny Bloom avec Samy Samy. On ne le sait pas encore. On sait, bien évidemment, parce que je viens de le dire, que l'ancien numéro 1 anglophone est maintenant en 6e place. Donc on a quelque chose de nouveau au sommet. Qu'est-ce que c'est? La réponse dans moins d'une heure au Palmarès C'est Fou. Restez là! spectacle. Spectacle. De retour pour la troisième heure des Palmarès Sifou pour la semaine du 13 au 19 octobre 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Jean-Philippe Charbonneau est en congé cette semaine. C'est la troisième heure, la portion top 5 de l'émission et on va débuter avec les cinquièmes places à l'instant. Mais par contre, je dois vous dire que tout à l'heure, hein, c'est pas fini le contenu. Hein? Il reste la chronique ailleurs dans les Palmarès qu'on va faire d'ici la fin de l'émission. Mais donc, en cinquième place anglophone, The Last International avec Life, Liberty and the Pursuit of Indian Blood est stable en cinquième. Avant ça, c'est Hôtel Morphée qui monte de 4 avec Hôtel tout de suite. Au palmarès, c'est fou. 89 ans. Même si les dieux tombent, un bel cheveux blanc décoiffé, même si ta marque est de rester, nos regards te seront familiers. We'll Life, Liberty and the Pursuit of Indian Blood, stable en cinquième place par la formation The Last International sur l'album We Will Reign. Avant, en francophone, c'était Hôtel Morphée et Hôtel qui montent de 4 sur leur album Rêve américain. Voilà! On est rendu au quatrième place tantôt, déjà, pour vous dire. Il va y avoir ailleurs dans les palmarès. J'ai déjà trouvé ma petite chanson de musique du monde. Là, de David Ferron qui va être content. Ça s'en vient tout à l'heure. Mais avançant en quatrième place, The Stripes. Du côté anglo, ça monte de 8 avec Mystery Man. Mais avançant en franco, ça monte d'une seule place, tranquillement, pas vite. Hein. C'est Oli Laroche. Voici Rupture au 89 FM. C'est les palmarès, c'est fou. Je la mort. easy, so you just gotta figure me out. Stripes, c'est Mystery Man. Position numéro 4, ça monte de 8 places en anglophone. Et avant, c'était Holly Laroche et Rupture qui monte d'une seule. Avant de continuer avec les positions numéro 3, c'est-à-dire Fanny Bloom et Elephant Stone, voici Ailleurs dans les palmarès. Ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès. C'est Ailleurs dans les palmarès, la section où on regarde ce qui se passe ailleurs dans les palmarès, parce que les palmarès, c'est fou, c'est plus que seulement un top 20 francophone, un top 20 anglophone, un top 30 des albums, un top 3 des canadiens, un top 10 loud, un top 5 des musiques du monde. En fait, c'est ça aussi, en plus de, j'oublie comme le bout, c'est aussi ça. C'est plus que juste les deux premiers, c'est le reste aussi. Hey boy, hein? C'est pas genre 1000 ans que je fais cette chronique-là, quand même. Hein? Regardons un petit peu ce qui se passe dans le top 30 des albums, tiens, pour commencer. Je pense que ça, je connais ça. 20e place, numéro entrée, c'est Secret Sun par Cold Coast. Avec l'album Cold Coast, pardon, on l'a écouté en début d'émission. Le top 3, en 3e place, c'est Elephant Stone avec l'album The Three Poisons. En 3e, c'est Debbie Tabs avec Up qui monte de 7 places. Et en première, ça monte de 1, The Pretty Reckless avec Going to Hell. Dans le top 3, l'édition canadien maintenant. En 3e, c'est Orange O'Clock avec Crazy Carnival. En 2e, c'est Elephant Stone et The Three Poisons. Et finalement, en première place, Debbie Tabs et Up. Dans le top 10 loud, deux nouvelles entrées. Une en 7e place, Cannibal Corpse avec Skeletal Domain. En 3e, on va faire le top 3 complet parce que la nouvelle position est en numéro 2. Donc en 3e, ça monte de 2, MPK avec The Quantum Enigma. En 2e, c'est la nouvelle entrée qui nous restait, Revocation avec Deathless. Ça, c'est le nom de l'album. Et en première, c'est stable, Blood God et l'album Blood is My Trademark. Dans le top 5 des musiques du monde, deux nouvelles entrées et ce sont les positions 5 et 4. Donc on va faire le top 5 au complet, hein? En 5e place, la pièce Let the Masala Rhythm Play par Masala Sound System. En 4e, c'est l'extrait Hayat par Kiran Alualia. En 3e place, l'ancien numéro 1, les Shibani de Zebda. En 2e place, c'est Fanny, une pièce de Susana. Et en première, ça monte de 1. L'artiste, c'est Chancha Via Circuito avec la pièce Jardin featuring Lido Pimienta. Voilà. Oh yeah! Que t'es toujours bien timé, gars, tu fais les oh yeah. On dirait qu'il attend que je finisse ma phrase. Donc, on va entendre évidemment un extrait du top 5 musique du monde, comme on le fait la plupart du temps. Là, c'est plus rare qu'on va dans le top 10 loud, je dois l'avouer. Quoi que la semaine, on est allé dans le top 30, la semaine passée, dans le top 30 des albums. C'était quand même particulier, ça. Donc, l'extrait que je vous ai choisi, là. Non, mais dur à dire. L'extrait que je vous ai choisi. Je trouve des phrases plus simples à dire. C'est celle de Masala Sound System. On s'en va entendre la chanson Let the Masala Rhythm Play. Et comme on dirait, ah ouais, Masala. Masala. Hey, Masala. Ça s'appelle Masala, vous avez. Laisse donc faire. Hein? Like and the music. back in the set. Masala sound is in the effect. Just keep it, do not neglect to brain us. All the world is going insane. We go against the grain upstream, and every time we play, we're fulfilling a dream. Na na na, to go deep and not to be great. We came a long way. Hear me what I say. Masala Sound System et Let the Masala Rhythm Play dans le palmarès musique du monde. C'était une nouvelle entrée en position numéro 5 sur l'album Let the Masala Rhythm Play. Voilà. Écoutez les palmarès du monde avec David Ferron, bien sûr, le seul et l'unique David Ferron, tous les lundis à 18h pour l'émission Palmarès du monde, donc, qui va résumer ce top 5 au complet. C'est tous les lundis. Est-ce que j'ai dit à 18h avec David Ferron sur les ondes de C'est Fou, les lundis à 18h? Je pense que j'ai dit. David Ferron, on salue. On retourne à nos palmarès. On était rendu aux positions numéro 3. Du côté anglophone, c'est Elephant Stone avec Motherless Child, Love's Not For War, qui monte d'une place. Mais avant ça, oh, c'est l'ancien numéro 1. Fanny Bloom descend de 2. Voici Sammy Sammy au 89 FM. C'est les palmarès, c'est fou. Des fantômes se sont tus et la paix est revenue claire et franche. Alors la lumière est entrée par le bout de tes doigts. La lumière que je connaissais de toi. Oh Samy, Samy, je sais que les choses ont changé. Je vois que les lumières s'éteignent pour te laisser briller. Mais je ne j'ai décidé d'en ce qui ne m'appartenait plus. Et j'ai fait ça pour toi. Je vois que les lumières s'éteignent pour te laisser briller, mais je ne comprends pas. Nos amis, amis, leurs prénoms et leurs défendus. J'ai décidé de rendre ce qui ne m'appartenait plus. Et j'ai fait ça pour toi. Stone avec Motherless Child, Love's Not For War, qui monte d'une place en anglophone. Et avant ça, en franco, Stephanie Bloom et Sammy Sammy, l'ancien numéro 1. Il nous reste seulement une demi-heure à l'émission. Il nous reste les positions 2 et 1 à entendre. Et rien d'autre. On va sûrement avoir le temps de revenir un petit peu sur ce qu'on a sauté précédemment dans l'émission. Mais allons-y avec les positions numéro 2 tout de suite. En anglophone, c'est David Tabs featuring Mr. Valère. Et l'extrait Hop, ça monte de 7 places. Mais pour débuter le bloc, voici Mr. Valère featuring Karim Ouellet. Et L'amour est un monstre au 89 FM. C'est fou. Émotions fortes, le vent.

The Beatles featuring Mr. Valère et la pièce Up qui était descendue en 9e mais qui maintenant remonte à la 2e place, 7e semaine de présence sur l'album Up. Avant, c'était Mr. Valère featuring Carrie Mouellette. Je pense que la position numéro 2 est pas mal Mr. Valère des deux bords. L'amour est un monstre, ça monte de 11 places en franco. C'est un single. Un simple. Comme vous voulez, un simple. Mais pas simple plan, parce qu'on joue pas ça ici. Il reste seulement les numéros 1. Numéro 1 qui veut dire d'habitude des jeux de mots. Quand j'ai quelqu'un avec qui co-animer, aujourd'hui, je vous dirais que étant seul, les jeux de mots sont un petit peu juste. Sont pas très très drôles. Mettons que dans ma tête, j'y trouve plutôt moyen. Mettons, je trouve que j'ai. J'en abrache. Philippe Braque, genre, du côté francophone, ouais, c'est ça. J'ai essayé de faire un jeu de mots avec Braque. Du côté anglophone, tu sais. Le ciel m'aidera peut-être à sortir des meilleurs jeux de mots. Peut-être directement d'en haut me viendront des jeux de mots qui seront comme des accidents de voiture, tellement on ne pourra pas arrêter de les regarder ou de les entendre. Hein? The Pretty Reckless, avec Heaven Knows du côté anglophone. Ouais, je sais, c'est boiteux aujourd'hui. L'album s'appelle Going to Hell. Et en francophone, voici Philippe Braque. Et dans ma tête, sur l'album La Foire et l'Ordre. C'est des palmarès assez fous. Ouais. Dans ma tête, on est une gang à se partager la fête. On est ben dans ma tête. Tout le monde se parle, personne s'écoute, mais est-ce qu'on est ben dans ma tête. Y'a juste une chaise pis y'a pas de musique. Tout le monde se baisse quand j'pogne la statique. J'veux pas finir comme mon vieux père dans un os. Il a cherché mon air. Pourtant c'est plus facile. J'serai jamais tout seul sur mon île. Entouré par une bande d'avoriens qui aiment ça pleurer pour rien. On est bas dans ma tête. On est une gang à se partager la fête. On est bas dans ma tête. Des fois il peut manquer un boulon. Des fois on fait juste ce qui nous tente. Des fois on est continuellement con sur le double fait de 40. Dingo. On rappelle que ce n'est pas une carte pleine. On joue seulement dans les quatre coins. Seulement les coins. On reste un coin. J'avoue c'est difficile. J'suis pris dans le piège, j'suis vieux scellé. Encerclé par une bande d'historiens qui aiment ça me rappeler pour rien. Peur, j'suis joyeux comme une fleur de tournesol. Ben quoi c'est rare que j'encule mon âme ou que j'parle le nom de ma boussole. Non non non non non, dis-y pas hein, hein. On a tout du fun en gang. Ne mettez-moi pas en tabarnak. J'pourrais retomber sa mauvaise place. Première position. Jimmy's in the back with a pocket of heart. If you listen close, you can hear him cry. Oh. Heaven knows we belong way down below. Sing it. Oh Lord, heaven knows we belong way down below. Way down below, way down below. Judy's in the front seat picking up trash. Living on the dole, gotta make that cash. Won't be pretty, won't be sweet. She's just sitting there on her feet. Sing it. Oh Lord, heaven knows we belong way down below. say. You can hear the crying. Oh! David Tabs featuring Mister Valar et la pièce Up. C'est en pause numéro 7. 2. 2. Pourquoi 7? 2. C'est parce que ça monte de cette place. Je pense que j'avais 100 ans. Ça passe de la 9e à la 2e position anglophone. Alors qu'en franco, c'était Mister Valar featuring Karim. Oh non, attends, qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je fais? Allô? Je pense que la fin de l'émission arrive. Je pense que je dis n'importe quoi. Je vais recommencer ça. On va recommencer ça. Attention, même que si je fais ça de même, attention, ici, comme ça, de même, comme ça. C'est. Genre, OK. Donc, c'était The Pretty Reckless et Heaven Knows qui monte d'une place en première position anglophone, précédé de Philippe Braque et Dans ma tête qui monte, elle aussi, d'une place pour première position francophone. Voilà. Assez bien. Assez bien. Ça a l'air vrai, tout ça. Là, pas de problème. C'est tout pour les premières positions et donc on peut revenir en arrière à des choses qu'on a sautées précédemment dans l'émission et je me rappelle avoir sauté particulièrement du francophone. Donc on va essentiellement jouer du francophone pour la fin de l'émission, sauf pour une pièce qu'on va entendre du côté anglophone. La seule qu'on a sautée, c'est la 19e, Mozart's Sister avec Enjoy qui descend de la 6e place. Tant qu'à écouter la 19 en anglo, aussi bien écouter la 19 franco pour l'accompagner. Hein. Donc commençons avec Pandaléon et Basse-Cour sur C'est fou. Pardon si je m'abuse. Je pars trouver du silence qui traverse et m'amuse à séduire la cadence. Les spotlights me grugent l'iris. Certaines trouvent le fond du précipice. S'ennuyer du soupir de la gâchette. Retrouver le sourire d'une traite. Sourire sans mentir. Oh. Le vent venant d'une terre de mille acres fait danser les murs de plâtre. Le vent qui vogue d'un rang à l'autre me rappelle le temps d'une paix sans faute. Me rappelle le bonheur sans cause. perdu que voir un flanc comme dans le temps, comme dans le temps où l'hiver était blanc. Ah, ah, ah, ah, dans le temps comme dans le sang. Just Serrard et Bonne Fête, stable en 16e position francophone. Avant ça, on a entendu les deux positions numéro 19. En anglophone, Mozart Sister avec Enjoy qui descend de la 6e. Et au tout début du bloc, c'était Pardaléon et Basse-Cour qui descendent de la 14e. Voilà, c'est tout pour notre petit retour en arrière sur ce qu'on avait sauté. C'est tout pour l'émission Les Palmarès c'est fou. On se retrouve mercredi prochain en direct entre 14h et 17h. Après nous, c'est la reprise de Palmarès du Monde avec David Ferron. Puis Audiomatique à 18h et Les Audacieuses à 19h. Voilà, on repasse le vendredi de 17h à 20h. Après nous, c'est les Bonnets Rouges, suivi de Sky Punka. Et finalement, les dimanches, entre midi et 15h, restez là pour de la musique sur C'est Fou. Voilà. C'est fou.ca pour la programmation complète. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balado-diffusions. On se quitte avec une autre pièce qu'on a sautée précédemment. C'est la position numéro 11 de francophone sur la plupart de nos stations. On entendra Eugène et le cheval avec Invincible sur l'album Perte de mémoire et autres mécanismes de défense. Je vous dis à la semaine prochaine et merci d'avoir été là. Salut!